C'est le moment de la semaine où Raymond Poirier est avec nous pour parler de technologie d'information puisqu'il est chargé de communication à l'ITIS. Bonjour Raymond. Bonjour Tania. Et cette semaine, on a une conférence qui s'en vient, donc un invité. Exactement, on en profite toujours comme à l'habitude pour mettre la table en route vers la prochaine rencontre qu'on offre à la bibliothèque Gabriel Leroy dans ce cas-ci, dans notre série Rencontre du numérique. Et donc jeudi qui vient, jeudi le 8 mai à 19h, eh bien, on va s'intéresser aux technologies mobiles à Québec, à leurs usages et à leurs usagers. Donc une espèce de portrait de ce qui se passe, de comment on les utilise. Un portrait qui sera dressé par un étudiant à la maîtrise en sociologie qui est également chercheur, en fait, qui participe aux multiples projets de recherche du GIRBA, du groupe interdisciplinaire de recherche sur les banlieues. Il s'appelle Michel Després et question de mettre la table, on l'a convié à nous rejoindre ici en studio. Michel, bonjour. Bonjour Raymond, merci beaucoup pour l'invitation. Et première question, en fait, cette enquête-là dont tu vas nous dresser les constats et les éléments jeudi, ça s'inscrit dans un cadre plus large qui est une enquête qui s'appelle Demain Québec. Oui, c'est exact. L'enquête Demain Québec est une enquête passée auprès des résidents de la communauté métropolitaine de Québec. Donc, la ville de Québec et tous ses arrondissements plus élargis. Donc, c'est une enquête que le groupe a faite et où on désirait finalement savoir plus d'informations sur le profil socio-économique. Donc, à quoi ça ressemble comme population, les résidents de la communauté métropolitaine de Québec. Aussi, on voulait savoir comment les gens se représentent ce territoire-là. On voulait savoir comment les gens l'habitent. Aussi, quels sont leurs aspirations. Dans quoi ils voudraient déménager, s'il y en a qui veulent déménager sur ce territoire-là. Et aussi, on s'est intéressé dans une troisième partie à ce que les gens font comme activité quotidienne, leur lieu d'activité, leur lieu de consommation. Et vous me voyez venir un volet sur comment ils utilisent les technologies mobiles. Donc, moi, c'est là que je suis entré en ligne de compte, finalement. Le groupe interdisciplinaire m'a proposé de faire ma recherche sur le volet technologie mobile. Donc, c'est ce que je suis allé explorer. Et justement, pourquoi on s'intéresse à ce volet-là? Qu'est-ce qui fait qu'on a envie de savoir de quelle manière on utilise les technologies mobiles à Québec? Ben, c'est que ça fait partie des usages quotidiens. C'est quelque chose qui est entré en ligne de compte. Je dirais une simple observation et c'est rendu assez rare de voir dans un autobus des gens qui ne sont pas vissés sur leur téléphone intelligent ou des gens qui n'utilisent pas des tablettes couramment, des gens accrochés à leur téléphone. Donc, il y a une myriade d'usages une myriade de situations finalement dans lesquelles s'insèrent les technologies mobiles et qu'on ne voit plus, qu'on ne voit pas, qu'on ne voit plus parce qu'ils sont devenus invisibles, ils font trop partie d'un quotidien qui est bien ancré. Donc, ce que j'ai essayé de faire dans ma recherche, c'est finalement d'aller voir c'est quoi un peu ces usages-là au quotidien, dans quoi se retrouvent les technologies mobiles, qui les utilise et qu'est-ce qui fait varier leur usage aussi. Et j'imagine, en fait, qu'en cherchant le qui, on a le quoi aussi. Les deux sont nécessairement interreliés. Oui, effectivement, les deux sont interreliés. Nécessairement, les technologies mobiles, comme à peu près toutes les dimensions de la vie urbaine, s'insèrent dans une sorte d'écologie. Donc, finalement, c'est un écosystème. Ça rentre en ligne de compte. Les gens utilisent les technologies mobiles. Mais c'est pas tout le monde qui fait les mêmes activités, c'est pas tout le monde qui est fait pour les mêmes raisons aussi. C'est pas nécessairement parce qu'on met un téléphone intelligent dans la main de quelqu'un que du jour au lendemain, il va se transformer en demi-cyborg qui va se mettre à consulter ses courriels à toutes les secondes puis aller sur les médias sociaux. Ça prend quelques semaines pour en arriver là. Et ça prend surtout un contexte, je dirais. Donc, les usages varient beaucoup, non seulement selon l'occupation, de ce que je me suis rendu compte, qui est une des variables les plus importantes pour étudier cet usage-là, mais aussi selon l'âge et encore plus quand on lit ensemble l'occupation et l'âge. Donc, ce que je suis en train de remarquer dans mes recherches, c'est qu'on peut dresser une sorte de portrait de cycle de vie de gens qui utilisent les technologies mobiles. Donc, ce que j'ai trouvé dans ma recherche, c'est un groupe notamment de jeunes étudiants, des jeunes qui sont au collégial, préuniversitaires, qui sont en plein milieu finalement de leur vie scolaire, d'autres des étudiants qui sont plus âgés, qui sont en train de finir leur bac, leur maîtrise ou même leur doctorat. Et aussi, j'ai un groupe de jeunes travailleurs, donc des gens qui viennent de s'insérer sur le marché de l'emploi, qui sont en pleine période de bouleversement dans leur vie familiale, domestique aussi. Il y en a qui sont en train de s'acheter une maison, d'autres qui sont locataires, d'autres qui ont déjà des enfants, d'autres qui sont des personnes seules. Donc, une période de grand bouleversement. Et j'ai aussi un quatrième groupe, finalement, qui sont des travailleurs que ça fait déjà plusieurs années qu'ils sont sur le marché de l'emploi. Je les appelle les travailleurs établis, donc des gens qui, en majorité, sont devenus propriétaires, beaucoup qui ont des enfants déjà. Donc, des gens qui sont plus ancrés, je mets ça entre guillemets, par exemple, dans leur vie adulte. Donc, ces gens-là n'utilisent pas les mêmes technologies mobiles, donc et ne l'utilisent pas pour les mêmes raisons, et surtout ont des sous-populations qui ne l'utilisent pas pour les mêmes raisons non plus. Donc, c'est ce que j'ai voulu étudier, puis ce que je continue d'explorer aussi. J'ai apporté quelques réponses, mais je n'ai pas encore répondu à tout. Donc, je suis encore en train de trouver des réponses à ce sujet-là. Et ce que je suis en train de voir, c'est que les jeunes font plusieurs activités numériques avec ça, et que les technologies n'ont pas toujours la même place, je dirais. Je m'explique, c'est qu'on... Il y a des gens qui utilisent par exemple, un téléphone intelligent, vont être associés à un certain nombre d'activités avec vont être associés à un certain nombre d'activités, je m'excuse. Par exemple, aller regarder plus souvent leur courriel, aller plus souvent sur les médias sociaux, planifier des déplacements, par exemple, sur Trajecto ou Google Maps. Mais ils ne feront pas nécessairement ces activités-là parce qu'ils ont un téléphone intelligent, comme je le mentionnais tantôt, plutôt que parce qu'ils sont dans une situation professionnelle particulière, notamment des travailleurs d'un secteur technique ou d'un secteur scientifique qui sont appelés à se déplacer souvent. Il y en a qui n'utiliseront pas à certaines périodes parce qu'ils ont des enfants puis qui veulent s'occuper des enfants et qui vont. Donc, on a un ensemble de gens, pour faire court, qui utilisent ces technologies-là dans une certaine sorte de stratégie, finalement, qui élabore leur quotidien selon une certaine stratégie, qui les insère dans laquelle ils utilisent les technologies mobiles, finalement, pour mieux gérer leur temps, pour mieux gérer leurs déplacements, pour essayer d'optimiser leur temps de déplacement à l'occasion. Donc, c'est ça que j'ai essayé de comprendre, puis j'ai essayé de voir qu'est-ce qui faisait varier, finalement, le fait d'avoir ces stratégies-là. Et est-ce qu'il y avait un lien avec le lieu de résidence? Parce que quand on parle de la communauté métropolitaine de Québec, on va aussi en banlieue. Est-ce que, par exemple, je ne sais pas, les gens du centre-ville, ceux de Saint-Roch, on dit que c'est un quartier techno, est-ce que ces gens-là vont plus utiliser la technologie mobile? Est-ce qu'il y a quand même un rapport qu'on peut faire avec le quartier ou la ville de résidence? Il y en a peut-être un. J'ai pas des données assez précises là-dessus pour pouvoir me prononcer. Je peux remarquer qu'il y a des étudiants notamment qui utilisent leur technologie dans certains types de lieux, notamment des lieux commerciaux et qui habitent principalement dans le Vieux-Québec, dans l'arrondissement Sainte-Foy, qui sont comme par hasard des endroits où il y a beaucoup de lieux commerciaux comme des cafés, des restaurants, des petits marchés justement, où utiliser ces tics-là. C'est aussi la partie de la ville de Québec qui est la mieux couverte en termes de Wi-Fi. Donc, il peut y avoir un lien, mais aussi beaucoup, faut pas oublier que Québec est une ville qui est très automobiliste. Donc, ouais. Beaucoup de gens utilisent. Donc, il y a quand même un fort lien, des fois, avec l'utilisation de technologies mobiles et les déplacements automobiles. Donc, j'imagine que dans ce registre-là, il y a la possibilité d'avoir accès à de l'Internet sans fil dans différents secteurs, mais il y a aussi, dans le fond, les réalités du déplacement. Si on a des jeunes travailleurs qui ont des enfants qui vont à l'aréna, par exemple, vont l'utiliser là, ou sinon, j'imagine, dans des temps d'utilisation, des temps très longs pour certains, des temps très, très courts pour d'autres aussi, selon la réalité de déplacement de ces différentes clientèles-là. Oui, tout à fait. Il y a des gens qui vont faire un grand nombre de lieux, qui vont visiter toutes sortes de lieux dans leur journée avec les technologies mobiles, mais qui vont utiliser leur technologie très peu de temps dans chacun de ces lieux-là. Donc, juste par petits intervalles, juste assez de temps pour aller consulter des courriels pendant qu'ils sont sur la route ou rapidement écrire un texto à leur blonde, leur chum, leurs amis, leurs collègues de travail, etc. Et il y en a d'autres qui, cette fois, par exemple, des groupes étudiants, mais pas seulement, qui vont plus s'installer dans un lieu, qui vont visiter peu de lieux, mais qui vont s'y installer beaucoup plus longtemps. Mmh. Et j'ai aussi des profils de travailleurs que je vais pouvoir présenter jeudi qui, eux, utilisent beaucoup plus les technologies sur la route. Donc, des gens qui communiquent beaucoup, qui sont à place déplacés très, très souvent. Et j'imagine, est-ce qu'on observe aussi des fois des corrélations avec l'âge? Par exemple, si on est plus âgé, qu'on est techno, ben on l'est peut-être un peu plus qu'un jeune qui l'est ou qu'il y a des distinctions un peu aussi par rapport justement à la capacité d'utiliser ces technologies-là? Oui, ce qu'on remarque surtout, c'est la fracture entre les gens qui n'utilisent que peu ou pas les technologies mobiles et ceux qui les utilisent beaucoup. Donc, chez les étudiants, c'est des gens qui font généralement un très grand nombre d'activités, voire je dirais que c'est ceux qui en font le plus dans mon enquête. Donc, c'est ceux qui font le plus souvent des activités numériques. Donc, c'est ceux qui vont le plus souvent sur les réseaux sociaux, qui vont consulter des courriels à tous les jours, notamment des étudiants de collégiales qui vont à peu près toujours consulter leur courriel parce que c'est le moyen que le cégep de communiquer avec eux. Donc, les étudiants font un grand nombre d'activités numériques Et ceux qui n'utilisent pas les technologies mobiles font à peu près les mêmes activités aussi. Donc, ils peuvent le faire sur des postes fixes ou ils peuvent le faire sur des ordinateurs au cégep ou à l'université. Donc, les différences sont moins grandes entre ceux qui utilisent beaucoup les technologies mobiles et ceux qui les utilisent peu ou pas. Alors que chez les travailleurs, et plus spécifiquement chez les travailleurs établis, là, les différences sont, c'est là que les différences sont les plus grandes. Ceux qui n'utilisent pas les technologies mobiles font le plus souvent beaucoup moins d'activités numériques aussi, sont beaucoup moins branchés, connectés. Et ceux qui utilisent beaucoup les TIC, là, ils font aussi un plus grand nombre d'activités. Donc, à certains égards, on a des travailleurs qui font plus d'activités que des étudiants. Mais je dirais surtout que c'est quand même une part plus marginale. Donc, en gros, les étudiants font plus d'activités, mais c'est surtout qu'on voit qu'il y a une fracture plus grande chez les travailleurs entre ceux qui n'utilisent pas ces technologies-là, ou peu, et ceux qui les utilisent beaucoup. Quant aux activités. Donc, ça permet de faire des liens. C'est ce genre d'enquête qui permet, dans le fond, de savoir un peu à qui on s'adresse. Et j'imagine qu'éventuellement aussi, des retombées possibles de constats comme ceux-là, ça serait de développer des services, ça serait d'essayer d'aller répondre à la demande ou d'essayer de développer des nouvelles demandes en remarquant des manques, des trous. C'est ce qu'on espère, certainement, déjà de mieux connaître ces usagers-là. Et c'est certainement aussi, je fais ma maîtrise dans un groupe qui est très intéressé à l'aménagement, notamment du territoire. Donc, ça peut être intéressant lorsqu'on connaît mieux ces usagers-là et qu'on sait que les technologies mobiles peuvent prendre quand même une bonne place dans les activités quotidiennes. Ben, en termes d'aménagement, ça peut être très intéressant. Par exemple, où mettre des hotspots Wi-Fi? Est-ce que ça peut valoir la peine pour des gens qui utilisent principalement des technologies avec le 3G, par exemple, où ils peuvent se connecter à peu près partout? Est-ce qu'il y a des endroits qui pourraient être plus enclins à recevoir ces technologies-là? Est-ce que ça pourrait être intéressant, par exemple, de mettre une connexion Wi-Fi dans les transports? S'il y a beaucoup de gens qui l'utilisent dans les transports. Est-ce que ça pourrait être intéressant, notamment, de voir est-ce qu'on pourrait accompagner des gens qui utilisent des technologies mobiles, leur faciliter la vie? Il y a un ensemble, j'ai pas une tête complète, je dirais, encore sur tous les avantages qu'on pourrait aller en tirer. Je me suis principalement concentré ici de les décrire, de mieux les comprendre, mais il y a certainement quelque chose. J'espère que des gens vont pouvoir voir mes résultats et que ça va les inspirer pour réfléchir à des projets comme ceux-là. Et jeudi, donc les gens qui vont se présenter à 19h à la bibliothèque Gabriel Leroy, en quelques mots, qu'est-ce que vous leur préparez un peu? On va survoler, on va explorer ça de manière plus détaillée? Oui, certainement. Donc, je vais certainement me concentrer d'abord à décrire qui sont mes utilisateurs, comment j'ai construit mes groupes. Mais aussi, je vais m'intéresser plus largement, non seulement ce que j'ai présenté, notamment il y a des dernières semaines, c'est j'avais exposé finalement la fracture qu'il pouvait y avoir. C'était quoi les deux extrêmes dans mes différents groupes, entre ceux qui utilisent peu les technologies mobiles et ceux qui les utilisent beaucoup. Ce que je vais faire jeudi, c'est que là, on va aller plus dans le détail. Donc, on va aller voir qu'est-ce qui fait varier le fait d'utiliser peu ou beaucoup les technologies mobiles. Ceux qui le font beaucoup, de quelle place prennent vraiment les technologies dans leurs activités numériques, finalement. C'est pas seulement parce qu'ils utilisent un téléphone intelligent ou un téléphone cellulaire, c'est des fois un ensemble d'autres facteurs. Et on va s'intéresser aussi plus en détail au lieu, au temps, période d'utilisation de ces technologies-là. Alors, dans le fond, ce sera une occasion, on pourrait dire, de mieux connaître notre ville, les gens qui l'habitent et qui utilisent, donc, dans ses frontières, les technologies mobiles. La conférence, je le rappelle, c'est jeudi, donc, de cette semaine, jeudi 8 mai à 19h. C'est entrée libre à la bibliothèque Gabriel Leroy. Ça s'appelle Technologies mobiles à Québec, usage et usagers. Michel Després, donc, étudiant à la maîtrise en sociologie à l'Université Laval, merci. Merci beaucoup. Et à jeudi. Merci beaucoup. Merci Raymond pour cet invité. J'imagine qu'on peut retrouver aussi de l'information sur la conférence sur le site de l'ITIS. Oui, c'est en page d'accueil, donc itis.ulaval.ca. On retrouve aussi les chroniques qu'on fait à chaque lundi. Raymond Poirier, merci beaucoup et à la semaine prochaine. Sans faute.